toujours chez mon beau-frère à la campagne. On a décidé de se faire une bouffe au barbecue, des classiques de chips et des saucisses. Manque de peau, les saucisses, elles ont cramé. Pour la peine, je les ai pas rangées. Non, non, non. Un week-end à la campagne, un peu d'arfèle, des petits oiseaux, votre agitation, des stands en béton, pour un peu, j'ai un écolo. Après j'étais faire un tour dans les champs, il y avait des vaches, c'était encore plus beau. Et j'ai marché dans la bouse, oh merde, mon futal blanc était marron. Bah, bah. Oh, c'est super. Vous imaginez les partout, ça se passe. Un week-end à la campagne, un peu d'arfait, des petits oiseaux, végétation, des cités en béton, pour un peu jouer à l'écolo. Les vaches m'ont regardé et ont gueulé. Depuis ce jour je déteste mon beau-frère. Avec des potes toutes les semaines, on vient qu'à chier. On casse ses maïs et ses plantations. On est vraiment cool de lui faire ça, faire ça. Un peu d'arfeuille, des petits oiseaux, moins d'agitation, des cités en béton, pour un peu, je m'arrête que le récolte.